Il n'est pas à nous, ce monde. Nous ne sommes pas des rois, ni des dieux. En sommes-nous capables? Trop précieuse, cette puissance. Trop grande, la tentation d'être Dieu. Oh, c'est dur, j'ai pas combien de souffert. Les histoires, les embrouilles, ça me prend la tête. Trop de problèmes, un jour ou l'autre, peut-être qu'il va falloir que j'arrête. Le rap, c'est bien, mais pense qu'il y a autour. C'est pour ça que tu me vois pas, je me mélange pas. Au fait, dans tous mes sens, c'est moi l'auteur. Faut voir le cœur, il y a une bonne odeur. J'ai pas de faire mal quand je te vois. Parce que tu m'as trahi, peut-être je vais te mettre une bonne tarte. La vie, c'est dur, baba. Pleure pas un jour, tout se pète, c'est le quotidien. Tout se sait, tu verras, tout ira bien. On entend des gens qui t'envient. C'est ton poteau, tu l'aimes bien, mais lui, il t'en veut. C'est la jalousie, faut que tu t'enfuis. Nique sa mère, tant pis. Personne va remplir ton bide. Personne va dire comment faire. Personne va habiller ton fils. Un jour, tu ouvriras les yeux. Tu verras ce que t'as fait, c'est pas beau. Tu grandiras, tu verras tes reines servent de jouer le Pablo. Et le jaloux veut ma peau. Parce que je fais des mappés, c'est toi qui as fait la pute. Et tu mets tout le monde contre moi. Je vais pas te tirer mon chapeau. Tirer mon chapeau. Faudra pas s'échapper à mes tisses comme un crash. Y'aura très peu de rescapés. Y'aura très peu de rescapés. Tu peux ramener ta folie, essayer de m'empâter. Retiens bien, je suis pas toi, quand il y aura rien à gratter. C'est Dieu qui donne, parle pas de boycottage. Moi personne m'a donné, je dû prendre le rap en otage. À un moment donné, je rappe comme personne. Devant le mic, tu opères seul. Inspiré depuis le verso, je l'ai trop à la perceuse. 17 ans que je prosture, que le cerveau je le torture. Tous la familia, tu me verras armé devant ta portière. J'oublie pas d'où je suis, mais certains d'où je suis ont oublié. Le buzz de pouvoir les billets, à la maison ils roupillaient. Moi, j'ai jamais sucé. Même quand j'ai eu des soucis, big up parce qu'ils sont avec moi. Quand tout va bien, que ça sent le rosy. Ouais, c'était en mode rosy. Je fais du sport car j'ai grossi. Tu fais que quand t'as les dents, mon frère, rien n'est impossible. Mauvaise personne t'a croisé. Là, tu faisais moins le grossiste. Ça l'a juste mis des patates. Et lui, il dit que ça l'a grossi. Big up à toi que tu t'appelles DJ, mon Raoul Rosier. Ça fait le signe au quartier. Je fais le signe au procès. Moi, je fais des tours même scène. Je vois toujours les mêmes scènes. En train de garder les frères Sam. Je peux finir en 20 ans. Dans le rap, y'a plein de sous. Toi, tu dors, t'es plein de vie. Tu plein de ça. Et quand tu mal, tu kiffes ça. Y'a des calages, des usines, c'est moi d'un retour au frappé. Ton pote, il a tellement mis like, au final, c'est toi qui as frappé. Moi, je suis bon carapé, tu peux prendre ça comme thérapie. Elle t'a mis dans un peu de temps, tu l'aimes si chaud comme thérapie. Moi, je reste fidèle à la street, m'en fout de rouler un cri au cas. Et si demain le rap, ça marche plus, je pourrais finir à patte. C'est pas la pute, quand je te bosse, tu parles avec ceux qui parlent de ma batte. Je t'ai croisé, tu t'es manqué, t'as de la chance, t'es rabat. C'est l'été, sur la batte mobile, le polo crocodile. Au volant, toujours habile, même au guidon, la classe sur un R1000. Mila, mila, mila, mila, oh là, ça papaya, c'est diré. Ice cream avec mon ami et moi. Pardonnez-moi, je détourne de mémoire. Je me rappelle comme si c'était hier, la galère à la fin des mois. J'en vois que des inédits, retour comme Zinedine. C'est la passion, pas le métier. Et s'il me finit, s'il me tue, viendra tu me voir au cimetière. Je vais arrêter de donner la farce. Après ça le donne aux gens qui parlent mal. De moi, de ma vie, de tous mes carnales. Je fume le shit, couleur maillot du Brésil. Je me cache rien, les civils. Je le rallume quand c'est paisible. Je me fais des gros aquariums. Pas le time, on claquait dans le game. Pagné dans la cam, j'suis dans mon coin tranquille. Et toi tu me critiques, raconte de tout game. Des mecs qui lèvent les CR. Et des mecs qu'on peur de se faire péter. Parce que la zone est sous CR. J'suis en DP avec ma père TN. Capule dans le BM. Pour ce qui part braquer sans laisser empreinte ni ADN. J'ferai la fête quand j'serai loin de là. L'ovni vient de loin. Et si j'veux j'm'arrête maintenant. Mais j'ai trop faim. Sa vie j'vois jamais la fin. Combien de fois j'ai touché le fond. J'ai la force et je m'en fiche. Avant j'étais fauché, maintenant à la gare et à mon affiche. J'converge plus devant les guichets. J'fais des jaloux, motherfuck. J'loue des locks et j'vous emmerde. Là j'me vide, ressens le choc. Les gens me disent qu'ils se ressentent. Qu'au fond on se ressemble. Qu'on aurait pu traîner ensemble. Parce que ce que j'dis ça les touche. Ma team m'appelle le sang. J'fais une émeute si j'les rassemble. Samedi, oh, celui qui fait le mac avec toi, on le couche. S'il faut, ça sert le push. Ça qui bouge pas, me touche pas. Couche-toi ou j'te nique, toi. J'ai fait, je sais pas combien de disques d'or, je me suis jamais vanté. Toi, MC m'a trop écouté. Ouais, à toi, je l'ai hanté. Dans le game, les yeux bandés. Sans faire le traficante. Je veux mon best bebrando. Je préfère cabrigante. Dès que plein brigante. Qui reste la journée dans le four. Et ceux qui passent en moto volé devant en faisant les fous. À ce qu'ils font les fils pour faire des sous. Quand la dara n'a pas win dans le compte, la peine dans les yeux, les larmes sur les joues. Ils m'appellent pas le G. Tu me parles quand ça t'arrache, d'ailleurs, ça commence à m'énerver. La prochaine fois, je te mets mes chiffres. La force, à force de la donner, ben un jour t'en as plus. Comme mes amis, t'as beau leur donner, tu les vois plus, c'est véridique. J'suis pas trop dans les bails juridiques. Pourquoi tu veux me faire la jeu quand j'tourne le dos, tu me critiques. J'mets les gaz, j'me régale, j'mets des coups de genou dans ta gueule, gueule, ma gueule, je fais que du sale. Je les gêne, je génère. Je gêne, non, ma claquette vénère. Qui lève le T-Mac dans les airs quand ça me fait plaisir. J'repète, j'suis pas un voyou, j'aime pas coller les gens, j'bois de l'alcool, mais léger. J'vois quand tu veux me flécher. Là, j'me fais chier, j'ai envie d'aller rôder. J'aime trop parodier, boire un coup à l'hôtel sous Hubert Montagnier, j'fais du karaoké. J'aime quand ma petite me fait des gâtés des poudous. Elle est belle comme une rose, belle comme tout. Avec mon bolide, je dépasse la locomotive. Et quand je suis devant le mic, auto, je donne tout.